Sainte Bible selon Saint Jérôme, second livre des rois, chapitre 12. En la septième année de Jéhu, régna Joas, et pendant 40 ans il régna dans Jérusalem. Le nom de sa mère était Sabia de Bersabée. Or Joas fit ce qui était droit devant le Seigneur pendant tous les jours que l'instruisit Joïada le prêtre. Cependant il n'abolit pas les hauts lieux, car le peuple sacrifiait encore et brûlait de l'encens sur les hauts lieux. Et Joas dit au prêtre, « Quant à tout l'argent des choses saintes qui sera apporté dans le temple du Seigneur par les passants, qui est offert pour le prix d'une âme et qu'ils portent spontanément et au gré de leur cœur dans le temple du Seigneur, que les prêtres le prennent, chacun selon son rang, et qu'ils réparent la maison du Seigneur, s'ils voient quelque chose qui ait besoin de réparation. » Mais jusqu'à la 23e année du roi Joas, les prêtres n'avaient point fait les réparations du temple. Le roi Joas appela donc Joïada le pontife et les prêtres, en leur disant « Pourquoi ne faites-vous point les réparations du temple? Ne recevez donc plus d'argent selon votre rang, mais rendez-le pour les réparations de la maison du Seigneur. » Et il fut défendu aux prêtres de recevoir à l'avenir de l'argent du peuple et de réparer la maison du Seigneur. Et Joïada, grand prêtre, prit un coffre et y fit une ouverture par-dessus, et il le plaça près de l'autel, à la droite de ceux qui entraient dans la maison du Seigneur. Et les prêtres qui gardaient les portes y déposaient tout l'argent qui était apporté au temple du Seigneur. Lorsqu'ils voyaient qu'il y avait trop d'argent dans le tronc, le scribe du roi montait, et le pontife, et ils versaient et comptaient l'argent qui était trouvé dans la maison du Seigneur. Et ils le déposaient, en le comptant et en le mesurant, dans la main de ceux qui étaient à la tête des maçons de la maison du Seigneur, et qui l'employaient pour les charpentiers. Pour ces mêmes maçons qui travaillaient dans la maison du Seigneur et faisaient les réparations, et pour ceux qui taillaient les pierres, et pour acheter du bois et des pierres qu'on taillait, de manière à achever la restauration de la maison du Seigneur et tout ce qui exigeait des dépenses pour rétablir cette maison. Cependant, on ne faisait point avec cet argent les cruches du temple du Seigneur, des fourchettes, des encensoirs, des trompettes, ni aucun vase d'or et d'argent, avec l'argent qui était apporté au temple du Seigneur. Car c'est à ceux qui faisaient le travail qu'il était donné, afin que le temple du Seigneur fût restauré. Et l'on n'en demandait point compte aux hommes qui le recevaient pour le distribuer aux ouvriers, mais ils l'employaient de bonne foi. Quant à l'argent donné pour un délit, et à l'argent donné pour des péchés, on ne le portait point dans le temple du Seigneur parce qu'il appartenait aux prêtres. Alors Hazaël, roi de Syrie, monta, et il combattit contre Guet, et il la prit, et il tourna sa face pour monter contre Jérusalem. C'est pourquoi Joas, roi de Juda, prit toutes les choses sanctifiées qu'avaient consacrées au Seigneur Josaphat, Joram et Ocosias, ses pères, roi de Juda, et que lui-même avait offertes, et tout l'argent qui put être trouvé dans les trésors du temple du Seigneur et dans le palais du roi, et il l'envoya à Hazaël, roi de Syrie. Et Hazaël se retira de Jérusalem. Mais le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit dans le livre des actions des jours des rois de Juda? Or ses serviteurs se levèrent et conspirèrent entre eux, et ils frappèrent Joas en sa maison de Mélo à la descente de Sella. Josachar, fils de Semaat, et Josabad, fils de Somer, ses serviteurs, le frappèrent. Et il mourut, et on l'ensevelit avec ses pères dans la cité de David. Et Amasias, son fils, régna en sa place. Bible selon Saint Jérôme, second livre des rois, chapitre 12. En la septième année de Jéhu, régna Joas, et pendant 40 ans il régna dans Jérusalem. Le nom de sa mère était Sabia de Bersabée. Or Joas fit ce qui était droit devant le Seigneur pendant tous les jours que l'instruisit Joïada le prêtre. Cependant il n'abolit pas les hauts lieux, car le peuple sacrifiait encore et brûlait de l'encens sur les hauts lieux. Et Joas dit au prêtre, « Quant à tout l'argent des choses saintes qui sera apporté dans le temple du Seigneur par les passants, qui est offert pour le prix d'une âme, et qu'ils portent spontanément et au gré de leur cœur dans le temple du Seigneur, que les prêtres le prennent, chacun selon son rang, et qu'ils réparent la maison du Seigneur, s'ils voient quelque chose qui ait besoin de réparation. » Mais jusqu'à la 23e année du roi Joas, les prêtres n'avaient point fait les réparations du temple. Le roi Joas appela donc Joïada le pontife et les prêtres,